choix. L'amour est difficile à comprendre et parfois on ne sait plus à quoi s'attendre. Mais à chaque fois, l'espoir est plus fort que les doutes. Chaque fois, j'ai encore envie d'aimer. Toi, tu n'es jamais revenu, non, mais c'est pas grave. Toi, tu n'es jamais revenu, non, mais c'est pas grave. Parfois, le monde est un endroit si cruel, et parfois, on dirait que le diable loge en son cœur. À chaque fois, l'espoir est plus fort que les doutes, et je veux croire encore en son humanité. Toi, tu n'es jamais revenu, non, mais c'est pas grave. Toi, tu n'es jamais revenu, non, mais c'est pas grave. Toi, tu n'es jamais revenu, non, mais c'est pas grave. Toi, tu n'es jamais revenu, non, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parfois, parfois. Toi, il y a quelqu'un, tu n'es jamais revenu. Il y a quelqu'un, non, il y a quelqu'un, mais c'est pas grave. Toi, il y a quelqu'un, tu n'es jamais revenu. Il y a quelqu'un, non, il y a quelqu'un, mais ce n'est plus grave.